Le temps fixé par toi arriva, et la promesse devint chair et vie. Sarah rit de joie en voyant ton œuvre, toi qui rends possible l'impossible. Tu fais naître la joie des pleurs, tu changes l'attente en chant nouveau. Tu accomplis ce que tu promets. Ton temps est parfait, bon Dieu de la vie, Dieu de la joie. Tu fais éclore ce que tu bénis. Ton amour traverse les saisons. Serré au désert, mais ton regard les trouva là-bas. Tu ouvris une source dans la détresse. Tu révélas que nul n'est oublié, car tu entends le cri qui tremble. Chaque désert, tu fais jaillir.